Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose cette semaine de redécouvrir la série d'émissions autour de la philosophe Simone Veil, diffusée en décembre 2018. Aujourd'hui, aimer le Christ, de la douleur à l'extase. Malheur, souffrance, douleur, mais aussi joie, extase et amour. C'est l'intense programme du jour qui commence avec une question. Quel est le point commun entre la philosophe Simone Veil et la fée marraine de Cendrillon ? Toutes les deux tiennent l'impossible comme le signe distinctif du réel. Dans un cas pour mieux le subvertir, dans l'autre pour mieux comprendre notre condition. Impossible for a plain yellow pumpkin to become a golden carriage. Impossible for a plain country bumpkin and a prince to join in marriage. And four white mice can never be four white horses. Such foul de ral and fiddle de dee of courses. Impossible. But the world is made of zanies and fools who don't believe in sensible rules and won't believe what sensible people say. And because these deaf and dewy-eyed dopes keep building up impossible hopes, impossible things are happening every day. Bonjour Martin Stephens. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes venu sans votre baguette magique. Ah oui, ça c'est sûr. Donc vous êtes davantage du côté de Simone Veil que de Cendrillon en réalité. Oui, même si Simone Veil est du côté de Cendrillon. Déjà, elle partage quelque chose de Cendrillon, ça veut dire qu'il vient de la cendre. Simone Veil aimait bien faire le ménage, se frotter au côté obscur et sale des choses. Et puis en plus, elle pensait que dans les contes, parler eh bien directement ou plutôt indirectement, implicitement, Dieu. En fait, pour elle, les contes, et elle consigne, elle étudie les contes pour enfants, parce que pour elle, ce sont des voies de révélation de notre condition humaine, mais même plus de ce qui, dans notre condition humaine, nous appelle à notre divinisation. Donc, c'est bien vu de commencer par Cendrillon. Alors qu'avec ce point de différence quand même, hein, qui est que Cendrillon a sa fée marraine qui, d'un coup de baguette magique, peut introduire l'impossible dans le réel, alors que pour Simone Veil, l'impossible, c'est ce qui structure notre rapport aux autres, au monde et à nous-mêmes, nous dit-elle. Ah, tout à fait. S'il y a un point commun, c'est qu'à un moment donné, à minuit, il faudra rentrer. Et c'est-à-dire que l'impossible, s'il était perpétuellement réalisé, nous priverait du réel. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Ce qui est très intéressant, c'est que pour Simone Veil, l'impossible jalonne la vie humaine et c'est ce contre quoi on va se cogner. Et alors en effet, dans le rapport à soi, il y a une non-coïncidence fondamentale à soi-même. Je n'ai pas accès à moi-même, si ce n'est sur le mode de la séparation, du combat, du divorce. Impossible dans notre rapport au monde. D'ailleurs, quand on se cogne contre le réel, qu'est-ce qu'on dit ? Mais c'est impossible. Mmh. Hein, quand le réel nous arrive, on s'exclame, mais bon sang, c'est impossible. C'est-à-dire que l'impossible, c'est ce par quoi le réel nous signale qu'il est plus que l'idée que nous nous en faisions. Et puis, en effet, dans le rapport à soi, au monde, c'est passionnant et même au double sens de très intéressant et de la passion, comme la passion du Christ et de la douleur, c'est passionnant de voir comment Simone Veil va montrer que tous nos désirs sont marqués du sceau de l'impossibilité. Tous nos désirs, elle dit, elle prend cet exemple, elle dit, les amants ne feront jamais un et Narcisse fera toujours deux. C'est-à-dire, le désir de l'autre qui croit culminer dans la fusion avec l'autre, en réalité, si l'un fusionne avec l'autre, eh bien, il n'y a plus l'autre. Donc, l'amour lui-même est marqué par cette blessure qui fait que je dois consentir à l'altérité de l'être aimé, alors même que le mouvement de désir de l'amour, c'est un mouvement de fusion. Vous enseignez la philosophie, Martin Stephens, en première supérieure au lycée Georges de la Tour de Metz. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont certains étudient la pensée de Simone Veil, dont un qui s'appelle « L'éternité reçue » aux éditions des Clés de Brouwer. Est-ce que vous enseignez Simone Veil à vos élèves ? Ah oui, ouais, cette année on a... Parce qu'elle est très peu étudiée aujourd'hui. Alors c'est même un peu délicat parce que je les prépare à un concours, le concours de l'ENS et des grandes écoles en général, et on n'est jamais très bien certain que la personne qui va lire la copie accepte de ranger Simone Veil parmi les philosophes acceptables. D'ailleurs, dans la liste des auteurs pour le bac, elle n'y est pas. Et pour cause, quelque part, ça peut énerver, mais quelque part, c'est que ça lui ressemble bien. Elle était profondément rebelle, elle était profondément impossible aussi, non seulement avec ses professeurs, non seulement avec les gens qu'elle rencontre. Trotsky a eu le malheur de passer une nuit chez elle, elle l'a embêté toute la nuit. Elle a quelque chose d'impossible elle-même qui fait que c'est pas si facile que ça de la caser dans une dissertation. Mais c'est le cas de beaucoup d'autres philosophes qui figurent quand même au programme, non ? Oui, mais c'est sûr. Mais oui, c'est vrai qu'on peut penser à Michel Foucault, qui est dans la liste, par exemple, des auteurs de Terminal. Mais elle, en plus, j'ai envie de dire que il y a une exigence folle. Enfin, il y a une folie, mais c'est une folie qui aboutit à la vérité. C'est-à-dire que Simone Veil, c'est pas simplement quelqu'un de fantasque, c'est quelqu'un qui tient au réel et qui finit donc par avoir des thèses fortes. Donc c'est quelqu'un aussi qui est difficile à manipuler parce qu'il y a une sorte de folie de la pensée. Elle explore tout, elle cherche partout. Il y a un affolement de la raison chez elle qui fait que même dans les contes pour enfants, elle va tenter de trouver ce qui parle non seulement de nous, mais de notre vocation divine, d'une part. Mais en plus, cette folie s'articule à un amour du réel. C'est pas une folie fantasque qui fait que c'est séduisant, c'est aussi âpre de lire Simone Veil. Et il y a cette curiosité, vous l'avez dit, pour le réel, cette attention, pour reprendre un terme qui lui est cher au réel, qui est doublée, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, d'un amour, et le terme n'est pas trop fort, pour cette personne qu'elle dit avoir rencontrée, ou plutôt qui est venue à elle, qui est le Christ. Alors ça peut paraître très surprenant que cette philosophe marxiste, engagée, qui va travailler à l'usine, qui va aller à Londres du côté de la France libre pour essayer de mener la résistance, etc., accorde une telle place, alors j'allais dire à la religion, mais c'est pas vraiment la religion, c'est vraiment un certain rapport à Dieu. Je vous propose qu'on écoute tout de suite un texte qui va nous en dire davantage, un extrait de ses cahiers, puisque son travail nous est accessible aujourd'hui sous forme de cahier, un texte dans lequel elle décrit le rapport entre le corps et l'âme comme une espèce de combat dans lequel le corps serait non pas tellement un obstacle, mais un levier. Écoutez le texte, puis vous nous direz en quel sens ensuite il faut le comprendre. Texte lu par Hélène Losseur. Le corps est un levier par lequel l'âme agit sur l'âme. Par la discipline imposée au corps, l'énergie errante de l'âme s'épuise d'elle-même. Si on attache une chèvre, elle tire et tire, tourne en rond, tire encore, pendant des heures et des heures, et enfin, épuisée, elle se couche. De même, la partie errante de l'âme, quand le corps est cloué, elle s'agite, mais malgré elle, elle est toujours ramenée au corps et finalement s'épuise et disparaît. L'âme doit avoir été divisée en deux avant qu'une partie puisse ainsi utiliser le corps contre l'autre. Non seulement cela, mais il faut que la partie éternelle de l'âme soit obéie au corps. Cela se fait sans violence. Le corps consent à cette domination. La partie éternelle de l'âme ayant conçu un commandement au corps, le corps ne peut faire autrement qu'obéir. S'il en est autrement, le commandement n'est pas parti du point éternel de l'âme, ou bien l'attention ne s'est pas arrêtée sur le commandement. Le corps est une prison. La partie spirituelle de l'âme doit s'en servir pour enfermer, emmurer la partie charnelle. Le corps est un tombeau. La partie spirituelle de l'âme doit s'en servir pour tuer la partie charnelle. Que mon corps soit un instrument de supplice et de mort pour tout ce qui est médiocre dans mon âme. Le corps est une prison, le corps est un tombeau. Une lecture hâtive identifierait un héritage platonicien dans ce texte, Martin Stephens. Le corps et l'âme sont deux choses distinctes et le corps n'est que le tombeau de l'âme finalement qui, lorsqu'il meurt, libère l'âme qui peut aller rejoindre les sphères célestes où elle se meut naturellement. Mais en réalité, si on l'écoute vraiment attentivement, si on le lit attentivement, on se rend compte que le corps n'est qu'un levier, c'est le terme, entre l'âme et l'âme. C'est-à-dire que l'âme est distinguée en deux et le corps a un rôle à jouer dans ce combat entre deux parties distinctes de l'âme. Tout à fait. Hein. Comment l'âme pourrait-elle s'élever en agissant directement sur elle-même? Comment du spirituel peut-il élever du spirituel? Ça n'est pas possible. Il faut passer par la médiation du corps. Et donc, il y a un dualisme chez Simone Veil entre l'âme et le corps. Donc, en effet, on a l'impression que c'est très classique et que ça peut même la mener, puisqu'elle aimait bien les cathares du côté de ceux qui vont mépriser le corps en faveur de l'âme. Mais en réalité, ce dualisme se double d'un dualisme à l'intérieur de l'âme entre ce qu'elle appelle la partie charnelle, sensible, errante de l'âme. Cette partie, dit-elle aussi, qui est peuplée d'animaux qui crient « moi, moi, moi, moi, moi ». Je ne sais pas si c'est assimilable au psychisme chez Freud. En tout cas, c'est la partie qui d'abord est tout. Et puis, par une certaine expérience, par un certain événement, eh bien, cette âme va être brisée en deux. Et va apparaître au cœur de cette âme une partie de nous qu'elle appelle la partie spirituelle de l'âme. On a l'impression que c'est redondant, la partie spirituelle de l'âme, la partie éternelle dans le texte qu'on vient d'entendre. Et là, c'est très, très intéressant parce qu'en effet, que ce soit dans le malheur, quand nous sommes aux prises avec un malheur, il y a quelque chose de nous qui dit moi, moi, moi, moi, moi, c'est-à-dire qui dit non, non, non, non, non, je ne veux pas que cela m'arrive. Et il y a une part de nous qui, très étrangement, dit eh bien que cela soit, qui consent, qui est prête à aimer la vie jusque-là, compte tenu de ce malheur. Et de la même façon, dans la joie, qui est aussi une expérience qu'on ne choisit pas, qui nous arrive, il y a une partie de l'âme qui dit non à la joie. Parce que dans la joie, comme elle dit, il faut, pour l'accepter, reconnaître que le bien est en dehors de moi. Donc, c'est une expérience humble, la joie. C'est la joie de voir un ami, c'est reconnaître à cet ami les qualités propres à me rendre joyeux. Donc, c'est une expérience extatique, d'ouverture. Il y a une partie de moi qui dit « moi, moi, moi, moi, moi ». Je veux attribuer la source de mon bonheur qu'à moi-même. Et il y a une partie de nous qui dit « eh bien toi, en effet, après toi, après vous ». Et pour Simone Veil, il y a en effet deux, il y a un combat en nous. Baudelaire, il disait qu'il y avait deux postulations en l'homme. Mmh. Eh bien, il y a un combat en nous et c'est le corps qui est le moyen par lequel l'âme éternelle, l'âme spirituelle va agir sur la part charnelle. Et c'est très intéressant parce que c'est pas la perspective un peu facile, en effet, d'un simple dualisme âme-corps. Non, mais ça veut dire que une expérience intense, prenons la douleur, une expérience que Simone Veil connaît bien, va diviser l'âme en deux, ou même la déchirer en deux, si on prend un lexique un peu plus dramatique qu'elle aime utiliser aussi, en distinguant d'un côté une partie, disons, sensible, qui va refuser de souffrir. Et quand vous dites moi, moi, moi, moi, moi, c'est-à-dire c'est en fait c'est le moi, Simone Veil en tant qu'être qui peut dire moi, qui dit non, je ne veux pas souffrir, et une partie spirituelle qui au contraire serait prête à accepter la douleur au nom d'autre chose, j'imagine. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le moi dont il faut se dessaisir, comme si le moi, c'est ce que disait Pascal, était haïssable. Et en même temps, il y avait une autre partie de nous-mêmes qui n'était pas l'identité psychologique et qui pouvait accepter, endurer cette douleur? Oui, et alors au nom de quoi? Parce qu'au nom d'autre chose. En fait, il n'y a pas de but. Il y a quelque chose qui dit... alors on pourrait dire que ta volonté soit faite, comme Jésus à Gethsémani, qui dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, ce serait dirigé vers Dieu. Mais pour Simone Veil, c'est pas d'abord dirigé vers un objet quelconque. C'est pas d'abord, si vous voulez, une mortification à quoi l'on va consentir pour l'élévation de son âme. Non, c'est très mystérieusement, et je crois que chacun vit ça, ce moment même au cœur du malheur, où bizarrement on remarque qu'il y a une partie de nous qui est profondément en paix et qui est prête à redistribuer les cartes de sa vie à partir de là. On pourrait dire, j'aime beaucoup le mot « à partir de », c'est-à-dire il y a une partie de l'âme qui est comme éternellement jeune, c'est-à-dire que cette catastrophe pour ma vie, eh bien, c'est son point de départ. C'est en cela que Simone Veil, c'est une philosophie du consentement, c'est-à-dire de ce oui qu'on adresse à l'épreuve qui nous arrive et qui fait que au lieu de mobiliser ses forces contre l'épreuve, on les mobilise à partir d'elle et en elle. Et Simone Veil a un terme pour qualifier cette attitude, elle dit pas tellement le consentement, elle parle d'usage. Ah oui. C'est l'usage de la douleur que de l'accepter et la considérer comme faisant partie intégrante de notre existence. Oui, c'est un terme qui, dans l'éternité reçue, m'est venu et revenu. Alors, pour plein de raisons, c'est un terme qu'aimaient beaucoup les franciscains. Giorgio Agamben a fait tout un livre là-dessus. Elle-même, elle a un côté franciscain. C'est un terme qu'on retrouve chez Pascal, de prière pour demander à Dieu le bon usage de la maladie ou des maladies. C'est très intéressant parce que Blaise Pascal ne demande pas que la maladie lui soit donnée pour s'élever, mais il demande que la maladie puisse être par lui reçue comme quelque chose qui l'ouvre sur le réel. C'est-à-dire que, en effet, l'usage, c'est cette chose que je n'ai pas voulu. De toute façon, l'épreuve qu'on veut, elle est toujours à la dimension de notre désir, ça n'est pas une épreuve. Notre mortification, elle vient à nous, le mal nous prend toujours, le vrai mal, hein, pas celui qu'on se donne comme une ascèse, voilà, qui gonfle notre orgueil au lieu de d'amoindrir notre moi. Donc l'épreuve vient toujours de biais ou par derrière. Et donc on ne peut jamais se donner à soi-même l'épreuve, mais une fois qu'elle est là, en effet, on peut en faire usage, comme elle le dit très bien, et par exemple en ne fuyant pas ce corps, ce corps qui, devant la beauté, s'arrête, prend le temps de contempler. Ce corps qui ne fuit pas la douleur, ce corps qui, voilà, même, il y a plein d'exercices spirituels qu'elle cite, mais c'est par le corps qu'on va fixer notre âme sur autre chose que sa petite mesure, que sur la petite mesure du moi. Elle dit que ce moi, il faut le traiter comme un enfant qu'on laisse crier jusqu'à ce qu'il en ait assez et qu'il se taise. C'est un terme extrêmement difficile, à l'encontre du moi, comme si elle privilégiait cette forme de douleur et de malheur sur le moi, parce que, il faut quand même poser cette question-là, parce que cette douleur et ce malheur doivent bien nous conduire quelque part, faire usage de la douleur. Mais pourquoi ? Pas simplement juste pour consentir à l'existence. Il y a bien une fin recherchée, quand même une raison pour laquelle nous devrions accepter cette douleur. En fait, ce qu'elle a remarqué un jour, c'est que consentant à réciter le poème Love de George Herbert lors d'une crise de migraine, consentant finalement au cœur de la douleur à ne pas jauger le monde à partir de cette douleur et par exemple à ne pas nourrir ce désir de frapper l'autre, celui qui est en face d'elle, exactement là où elle a mal quand elle a une migraine, mais en récitant ce poème, elle a donc remarqué que Dieu était là, qu'elle recevait Dieu. C'est-à-dire Là, vous faites référence à un événement très précis dans sa vie, qui est un moment où elle dit avoir rencontré Dieu. Voilà. Que Dieu est venu à elle. C'est ça. Et ce qui est très très intéressant, c'est que là encore, elle ne se dit pas je vais me donner telle douleur parce que ainsi ça m'approchera de Dieu. Ce qu'elle dit, c'est que un jour, ayant consenti à sa douleur, Dieu s'est donné à elle. Vous voyez, c'est le paradoxe d'un chemin qui tout à coup s'est trouvé en face de son point d'arrivée et qui s'est demandé comment il avait bien pu arriver là. Et donc elle va reconstruire ce chemin, reconstruire à rebours cette méthode en se disant mais si Dieu m'a été donné alors même que je consentais à ma douleur sans me plaindre, sans vouloir l'infliger aux autres, eh bien c'est que quelque part à chaque fois que je fais le vide en moi en cessant de dire moi, eh bien Dieu se laissera aspirer par ce vide-là. Comment Simone Veil en est-elle arrivée là ? On va entendre l'expérience de cette rencontre si énigmatique. Simone Veil, que l'on présente comme cette philosophe brillante, agrégée, normalienne, courageuse, qui va s'engager à l'usine pour essayer d'être en cohérence avec ses propos, en vient-elle à soit intégrer dans son système, soit acquiescer de toute son âme à quelque chose qui ne relève pas du rationnel et qui est, non pas simplement Dieu, mais le Christ, puisqu'elle croit au Christ, elle qui est née dans une famille juive. Oui, alors elle y croit, mais en même temps, bon, on a commencé cette émission avec l'impossible, même temps pour elle c'est l'incroyable, mais c'est un peu comme quand on est amoureux de quelqu'un, on a du mal même à croire en la personne quand elle est en face de nous. C'est même peut-être ça, être amoureux, c'est penser que la personne est incroyable. Elle est venue à nous, elle est venue au rendez-vous, on en est encore émerveillé, elle est devant nous et pourtant ça reste incroyable. C'est du réel à l'état brut, c'est impossible. Et en effet, elle le dit très très bien, qu'elle n'avait jamais pu imaginer dans ses réflexions sur le problème de Dieu, eh bien une rencontre ici-bas, entre le surnaturel et le naturel, entre le Christ et elle, voyez, entre le Christ qu'elle pouvait bien entendre symboliquement comme étant, mais non, tout à coup, ça devient une personne, et en plus, c'est une personne qui rencontre, eh ben, cette pauvre Simone Veil, elle avait très peu d'estime pour elle. Et quand je disais au début que c'est une pensée à la fois qui a quelque chose de fou et à la fois qui est attachée à la vérité, les deux en même temps, eh bien que ça s'est mis à affoler ses sens, à affoler sa raison. Elle s'est mise, un peu comme quand les enfants mettent des gros cailloux dans leur poche, ça agrandit leur poche, eh bien le Christ a creusé son désir en la comblant et elle s'est mise à le chercher absolument partout. Et donc même à chercher une méthode pour essayer de le piéger, elle qui le Christ l'avait piégé. Pour elle, elle a même été prise dans un piège, comme Corée, la figure de la mythologie a été piégée par Zeus. Elle pense qu'elle a été piégée par la beauté du monde, qu'elle a été piégée par le Christ, qu'elle a été même violée par lui, et que et même elle a des termes très très très très forts. Elle dit, on voit tout de suite, parce que c'est quelqu'un de très terre à terre. Elle dit, c'est vraiment les œuvres qui jugent de l'expérience qu'on a faite du Christ, et elle dit, on voit tout de suite quand quelqu'un a couché avec Dieu ou pas. On voit tout de suite si ses œuvres ne tiennent qu'à elle-même ou si ses œuvres viennent du fait d'être enceinte de quelque chose de plus que soi-même. Et ça, comment vous l'interprétez, ces textes? C'est une forme de... Vous parlez de folie, c'est de la folie, c'est de la mystique, c'est une religion très personnelle? Je dirais que... C'est intéressant, c'est compliqué parce que on est avec quelqu'un qui a une pensée presque systématique par sa rigueur. Hein. Je veux dire, elle a beaucoup lu Karl Marx. C'est une philosophe. Elle avait comme professeur Alain. Il y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est vrai que à partir du moment où elle rencontre le Christ en 38, elle va redéployer son appétit philosophique complètement dans un autre sens. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Mais j'ai envie de dire, on en est un peu tous là quand on rencontre vraiment quelqu'un. Et comment s'était-il rencontré, dit Diderot dans Jacques le Fataliste? Eh ben, par hasard, comme tout le monde. C'est-à-dire, la rencontre, c'est bien l'événement qui advient, alors même qu'on avait pas prévu, qu'on l'avait pas provoqué. Eh bien, quand on rencontre vraiment quelqu'un, on est obligé à un moment donné de faire avec, comme je le disais tout à l'heure, de faire à partir de cela. Elle en est, je crois, un peu comme tous les gens qui ont fait une expérience forte de conversion, elle en est même un peu malheureuse. Mais elle refuse de parler de conversion. Oui, elle refuse de se faire baptiser, elle refuse la religion catholique, qu'elle définit comme étant la religion des esclaves, ce qui d'ailleurs lui convient très bien, mais elle ne veut pas faire partie de cette communauté religieuse. Alors, ça c'est très intéressant. Je crois que Simone Veil, faut jamais oublier qu'elle est à l'époque des masses. Elle les voit partout. Elle s'est rendue en Allemagne, elle a vu ces grands rassemblements populaires et la masse lui fait peur. Et donc, en effet, elle reprend la phrase du Christ, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, et elle note deux ou trois, pas plus. Elle a peur, donc elle a peur de faire partie de ce qu'elle reprenait à Platon comme étant le gros animal, la bête. Et je crois que sa crainte à la fois d'être affiliée à la religion juive qu'elle refuse énergiquement, et alors c'est pas vraiment une crainte d'entrer dans l'Église, c'est plutôt que tant que rien ne l'y nécessite absolument, eh bien elle se tiendra en son seuil. Voilà, donc c'est plutôt ça, c'est une sorte de prudence. C'est le Christ qui est venu la chercher pour faire d'elle son épouse, eh bien c'est le Christ qui viendra la chercher, s'il le veut, pour qu'elle rejoigne cette autre épouse qu'est l'Église. Elle est l'auteur d'une autobiographie spirituelle. Elle écrit au Père Perrin qui va la guider dans cette spiritualité. Elle écrit ceci, elle dit « Je peux dire que dans toute ma vie, je n'ai jamais à aucun moment cherché Dieu. Comme je vous l'ai écrit, le Christ lui-même est descendu et m'a prise. Dans mes raisonnements sur l'insolubilité du problème de Dieu, je n'avais pas prévu la possibilité de cela, d'un contact réel, de personne à personne, ici-bas, entre un être humain et Dieu. J'avais vaguement entendu parler de choses de ce genre, mais je n'y avais jamais cru. » C'était au bord de la mer. Les femmes des pêcheurs faisaient le tour des barques, en procession, portant des cierges, et chantaient des cantiques certainement très anciens, d'une tristesse déchirante. Rien ne peut en donner une idée. Là, j'ai eu soudain la certitude que le christianisme est par excellence la religion des esclaves, que des esclaves ne peuvent pas ne pas y adhérer, et moi parmi les autres. En 1937, j'ai passé à Assise deux jours merveilleux. Là, étant seul dans la petite chapelle romane du XIIe siècle de Santa Maria degli Angeli, incomparable merveille de pureté où saint François a prié bien souvent, quelque chose de plus fort que moi m'a obligé, pour la première fois de ma vie, à me mettre à genoux. En 1938, j'ai passé 10 jours à Solesmes, du dimanche des Rameaux au mardi de Pâques, en suivant tous les offices. J'avais des maux de tête intenses. Chaque son me faisait mal comme un coup. Et un extrême effort d'attention me permettait de sortir hors de cette misérable chair, de la laisser souffrir seule, tassée dans son coin, et de trouver une joie pure et parfaite dans la beauté inouïe du chant et des paroles. Cette expérience m'a permis, par analogie, de mieux comprendre la possibilité d'aimer l'amour divin à travers le malheur. Il va de soi qu'au cours de ces offices, la pensée de la passion du Christ est entrée en moi une fois pour toutes. J'y ai découvert le poème dont je vous ai lu une traduction malheureusement bien insuffisante, celui qui est intitulé « Amour ». Souvent, au moment culminant des crises violentes de maux de tête, je me suis exercé à le réciter en y appliquant toute mon attention et en adhérant de toute mon âme à la tendresse qu'il enferme. Je croyais le réciter seulement comme un beau poème, mais à mon insu, cette récitation avait la vertu d'une prière. C'est au cours d'une de ces récitations que, comme je vous l'ai écrit, le Christ lui-même est descendu et m'a prise. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et le récit de la philosophe Simone Veil de sa rencontre avec le Christ qui, dit-elle, l'a prise. Et littéralement, vous nous avez dit donc, Martin Seffen, c'est comme ça qu'il faut l'entendre, hein, prise au sens charnel et sexuel du terme. Le texte est magnifique, très, très beau, on l'identifie, on l'imagine au bord de la mer, dit-elle, puis ensuite à réciter ce poème qui peu à peu devient une prière. Et surtout, il nous donne un indice très important qu'il faut qu'on examine ensemble, qui est l'importance de la douleur. Elle avait des maux de tête, elle souffrait de maux de tête, dit-elle, quand elle fait cette expérience de dédoublement elle-même. C'est ce qu'on disait juste avant, hein, la douleur qui l'emprisonne le corps et en même temps qu'elle est prête à accepter pour accéder à un au-delà. Dans quelle mesure est-ce que cette douleur est pour elle la condition même d'autre chose? La douleur, le malheur, ces termes qui sont très importants pour elle, dans quelle mesure est-ce que ce sont des expériences nécessaires au fait d'entrevoir ou de rencontrer le Christ? Eh bien, parce que ce sont des expériences de l'autre, c'est-à-dire du réel. Ce sont des expériences, la douleur, le malheur. Alors, étant entendu qu'on ne se les donne pas soi-même, c'est très important. Elle dit, il faut mourir, mais on n'a jamais le droit de se suicider. Pourquoi pas? Eh bien, parce que si je me suicide, je garde la main sur ma vie. Or, il s'agit dans notre vie de vivre la vie comme une ouverture sur plus que nous-mêmes, de vivre notre vie comme, on pourrait dire, si on prend les bras du Christ sur la croix, comme des bras qui s'ouvrent de plus en plus pour peut-être finir cloués, on va retrouver la douleur, mais cloués au bois de la croix, de telle sorte à ce qu'ils soient définitivement et pour le restant de nos jours, eh bien, des bras qui accueillent et non pas des bras qui refusent le réel tel qu'il se donne à moi. Et donc, douleur, malheur, mais on pourrait dire aussi beauté. Ce qui est très paradoxal chez Simone Veil, c'est qu'elle va mettre dans cette expérience, enfin, ce qui l'intéresse, c'est pas tant la douleur ou le malheur, c'est que ce sont des ouvertures du moi sur plus que lui-même. Et elle met du coup sur un pied d'égalité, ou en tout cas, elle situe dans une même ligne douleur, malheur, beauté, joie. Elle dit quand même que le malheur, c'est pas la souffrance ni la douleur. Elle dit que c'est un mécanisme qui broie l'âme. C'est une chose à part, spécifique, irréductible. Et elle parle notamment des expériences qu'elle a faites d'oppression sociale et à la guerre. Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire que le malheur, voilà, le malheur qu'elle a rencontré en usine, elle dit c'est cette impression de ne compter pour rien. Hein, on peut penser, il y a plus beaucoup de travail à la chaîne si ce n'est dans l'agroalimentaire en France. On peut penser à ces gens, même à qui il m'arrive de raccrocher au nez, qui toute leur journée passent des coups de fil à des gens qui ne veulent pas les recevoir et se font raccrocher au nez. C'est vraiment un travail qui vous donne le sentiment de ne compter pour rien. C'est ça le malheur, être broyé par une mécanique aveugle et implacable que les Grecs nommaient par exemple le destin. Et c'est vrai que quand vous remarquez que vous n'êtes rien, eh bien, vous remarquez que le moi est une illusion. Une illusion qu'a sans doute, dit-elle, permise Dieu, cette illusion, de nous faire croire que nous sommes quelque chose. Pour Simone Veil, Dieu a créé le monde en se retirant de telle sorte que nous puissions être. Et, dit-elle, nous avons, étant créés, l'illusion d'être quelque chose. Mais qu'est-ce que nous raconte le malheur? Eh bien, elle nous raconte que, comme Job, qu'elle aimait énormément, ce personnage de l'Ancien Testament, que du jour au lendemain, tout ce que nous avons, nous pouvons le perdre. Qu'au fond, nous ne comptons pour rien. Et là, le moi, qui se croyait peut-être être le centre du monde, très spontanément, eh bien, remarque qu'il n'est pas le centre du monde. Et c'est sûr que... Alors, elle a des mots très très forts, elle dit... Quand on est dans le malheur, si l'on y consent, d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'elle n'a pas demandé le baptême, elle dit quelqu'un qui consent à son malheur est baptisé. Est baptisé, bon, c'est assez intéressant. Elle dit dans l'expérience du malheur, donc dans cette certitude que finalement je ne suis rien, eh bien si j'y consens, eh bien je remarque que toute ma vie, je la reçois d'un autre. Donc en fait, le malheur et la douleur, si on les identifie au moins pour les besoins de la discussion, sont un moyen pour elle de s'identifier aux autres. En réalité, c'est une manière de... C'est une solidarité envers ceux qu'elle a vu souffrir. Oui. C'est de la culpabilité, en fait, qui est à l'origine de sa recherche du malheur, non? La culpabilité, en quel sens? Eh bien, elle ne peut pas supporter que d'autres souffrent quand elle ne souffrirait pas. Il faut qu'elle souffre parce que les autres souffrent. Elle est prête à s'engager à l'usine aux côtés de ceux dont elle refuse d'être les porte-parole pour voir ce qu'est leur condition ouvrière. C'est le titre d'un de ses ouvrages. Ce malheur qu'elle constate, elle dit « Le malheur des autres est rentré dans ma chair et dans mon âme. » Elle ne peut plus, après avoir... ressentit une telle empathie pour ceux qui souffraient, ne plus souffrir à son tour. Voilà, c'est sûr qu'il y a deux choses chez elle. Alors sans doute, il y a de la culpabilité de venir d'un milieu aisé. Ça, c'est sûr, et il y a quelque chose, mais comme Bouddha sans doute, comme Saint François d'Assise, il y a beaucoup de gens très privilégiés qui vont vouloir traverser la pauvreté, sans doute par une sorte de culpabilité. Bon. Mais elle va vivre beaucoup plus fortement que le peuple, d'ailleurs, cette destruction de soi, parce que elle n'est pas faite pour ça, et elle s'étonne que le peuple puisse faire la fête après avoir été broyé une semaine durant à l'usine, alors qu'elle, elle finit en pleurs, avec des maux de tête effroyables. Et, pour parler de culpabilité, avec cette méfiance qu'elle a vis-à-vis de la culpabilité, parce que la culpabilité, c'est toujours quand même un retour sur soi, et en plus, elle a une page très très belle dans ses cahiers, je ne me souviens plus quel cahier, où elle dit, le problème de la culpabilité, c'est que on va en vouloir à Dieu en raison de notre péché. Elle dit, quand on fait une faute, il faut toujours pardonner à Dieu d'avoir fauté. Il faut toujours, dit-elle, eh bien, elle dit, Dieu est notre seul créancier, on lui doit tout, mais c'est aussi notre seul débiteur. Il nous doit tout, en un sens. Et quand nous vivons une expérience douloureuse, eh bien, on est comme Job, on dit, mais bon sang, je suis pas fait pour ça. Je suis fait pour la vie. Et je crois qu'il y a quand même vraiment ce sentiment très fort chez Simone Veil. Elle ne dirait pas que la douleur est un déchirement si l'on était faite pour elle. Donc, elle dit, voilà, Dieu est notre débiteur. D'ailleurs, quand on fait une faute, eh bien, il faut pardonner au bien de n'être pas irrésistible. Il faut pardonner au bien de se proposer à nous sous la figure d'un mendiant. Il faut pardonner au bien de ne faire d'ailleurs que se proposer à nous quand les mobiles sensibles, les mobiles charnels, eux, s'imposent à notre imagination. Et je trouve ça très très intéressant que dans sa recherche, elle dise mais finalement, la culpabilité peut nous séparer de Dieu parce que en culpabilisant, on s'en veut et en réalité, on en veut à Dieu d'être simplement un mendiant. Comme elle le dit très fortement, on a tué le Christ par colère parce qu'il n'était que Dieu. Voilà, il était un pauvre, il ne faisait que passer, comme il est dit tout le temps dans le Nouveau Testament, le Christ y passe, il ne s'impose pas, et c'est Jules César qui s'impose. Alors on va essayer de comparer Simone Veil avec d'autres figures qu'elle peut évoquer quand on en entend parler, quand on lit quelques pages avant d'entendre un autre de ses textes. Prenons la figure de Thérèse de Lisieux, qui était une religieuse française béatifiée en 1925, qui va mourir de la tuberculose, et à laquelle Alain Cavalier a consacré un film. Et dans ce film, il y a notamment une scène que je vous propose d'écouter dans laquelle Thérèse de Lisieux semble se délecter de sa propre douleur comme si celle-ci la rapprochait de Dieu. Écoutez. Buvez un peu. J'ai pas la bouche trop sèche. Dans l'état où vous êtes, vous privez. On vous a dit de demander tout ce qu'il vous faut. Buvez par obéissance. Vous me trouverez peut-être plus. Hein? Vous me trouverez peut-être plus à votre réveil. Pas de chagrin, pas de mouchoir. Il sera venu me chercher. Il sait bien ce qu'il faut à son bébé. Vous n'êtes pas un bébé. Si, je suis un bébé pour rester dans ses bras. De l'eau de lourde à 1 franc le litre. Si vous ne dormez pas, moi non plus, on ne finira jamais. J'ai mal. Je prie. Qu'est-ce que vous lui dites? Rien. Et lui? Rien. Priez fort, il est sourd. Quand je respire, je dis je souffre. Vous répondez tant mieux. Non. Je souffre. Non. Je souffre. Non. Je souffre. Je souffre. Tant mieux. Je souffre. Tant mieux. Je souffre. Tant mieux. Je souffre. Tant mieux. Je souffre. Tant mieux. Je souffre. Tant mieux. Je souffre. Tant mieux. Je souffre. Tant mieux. Je souffre. Tant mieux. Je souffre plus. Tant mieux. Je souffre plus. Tant mieux. C'est dans le malheur lui-même que resplendit la miséricorde de Dieu, tout au fond, au centre de son amertume inconsolable. Si on tombe en persévérant dans l'amour jusqu'au point où l'âme ne peut plus retenir le cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si on demeure en ce point sans cesse d'aimer, on finit par toucher quelque chose qui n'est plus le malheur, qui n'est pas la joie, et qui est l'essence centrale, essentielle, pure, non sensible, commune à la joie et à la souffrance, et qui est l'amour même de Dieu. On sait alors que la joie est la douceur du contact avec l'amour de Dieu, que le malheur est la blessure de ce même contact quand il est douloureux, et que le contact lui-même importe seul, non pas la modalité. La connaissance de cette présence de Dieu ne console pas, n'ôte rien à l'affreuse amertume du malheur, ne guérit pas la mutilation de l'âme. Mais on sait d'une manière certaine que l'amour de Dieu pour nous est la substance même de cette amertume et de cette mutilation. C'est toute l'ambivalence du malheur et de l'extase, Martin Stephens, ou de la douleur et de la joie. Quand Thérèse de Lisieux souffre et qu'elle dit « je souffre », elle pourrait dire « je jouis », elle le dirait sur le même ton, tellement la volupté, l'intensité semble être forte. Et quand Simone Veil parle de l'amour de Dieu, elle dit finalement « mais malheur ou joie, peu importe la modalité, ce qui importe c'est de sentir qu'en son centre, au centre de ses sentiments, de ses expériences, se trouve l'essence même de Dieu. » Oui, elle dit que quand elle... voit la passion du Christ, elle commet parfois le péché d'envie. Elle voudrait la vivre. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas simplement le masochisme de la douleur, c'est que c'est une douleur offerte. C'est-à-dire que ce qui est sensuellement supérieur dans la douleur du Christ ou dans la douleur à laquelle on consent, celle de Thérèse de Lisieux, et merci d'avoir choisi cet extrait-là, je pense que c'est plus facile à montrer au cinéma ou à lire au fil d'une biographie spirituelle comme nous l'a livré Thérèse de Lisieux, que de la penser philosophiquement. Et c'est là que Simone Veil est une vraie aventurière, en un sens, parce que elle va mettre de la philosophie, là on est complètement en dehors de la philosophie, on est dans le mystère, et bien de cette douleur qui est si belle et si bonne en tant qu'elle est offerte. Et c'est vrai que s'il y avait une jouissance du Christ sur la croix, c'est la jouissance d'aimer jusque-là. C'est la jouissance, et pour prendre quelque chose qui nous ramène à des dimensions beaucoup moins ambitieuses et beaucoup moins élevées, parfois quand on n'en peut plus, Je sais pas, je pense à par exemple s'occuper d'un bébé tout à fait pris pendant la nuit, qui a du mal à respirer, et puis on est là et ça fait 3 heures qu'on le berce, il peut pas s'endormir. Alors, toute proportion gardée, c'est pas la passion du Christ, c'est pas la tuberculose de Thérèse de Lisieux, mais à un moment donné, il y a comme une joie, une sensualité dans la fatigue, mais non pas en tant que fatigue, en tant que c'est une fatigue qui nous relationne à ce bébé. C'est parce que c'est le nôtre. C'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Oui, voilà. C'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Et c'est, et l'enjeu, alors le Christ, ce qu'il fait, c'est que il aime tout le monde jusque-là. Le Christ, c'est Dieu qui préfère chaque homme à tous les autres. Il aime chacun. Et comme elle le dit très, très bien, en réalité, comme un mal est fait, elle dit, il va de tête en tête. Hein, un homme se prend une mauvaise remarque au travail, il s'en prend à sa femme, laquelle va s'en prendre à son enfant. Et l'enfant, elle dit, jusqu'à ce que ça tombe sur un innocent qui ne peut rien faire, qui ne peut pas se venger, ou si ce n'est sur sa poupée ou que sais-je. Et elle dit, sauf quand le mal touche du bien pur. Et quand il crucifie le Christ, elle dit, c'est le plus grand mal fait au plus grand bien. Et là, le mal est transformé. En fait, il y a comme une ruse de Dieu dans la passion. Tous les coups qui s'impriment sur la chair du Christ expriment en réalité qui est Dieu, comme si nos fautes avaient contraint Dieu à révéler de quel amour bat son cœur. Tous les coups qui s'impriment sur la chair du Christ expriment l'amour de Dieu pour toute l'humanité, et un amour fou, puisqu'il s'agit d'aimer l'homme, non pas malgré son péché, mais au cœur de son péché. Donc l'exemple que vous prenez d'un père et de son bébé malade pendant la nuit qui l'empêche de dormir, et la volupté que peut trouver le père à s'occuper, même si c'est très difficile, à être auprès de cet enfant qu'il aime tant, dans cet exemple, Dieu, c'est le bébé en fait. C'est celui pour lequel nous sommes prêts à souffrir parce que nous savons que nous l'aimons. Tout à fait. Et alors que dans le cas de Dieu, de Simone Veil et du Christ, cet amour vient du Christ, c'est lui qui vient à elle. L'homme serait plutôt du côté du bébé et Dieu serait du côté de la personne qui s'en occupe, non ? Oui, mais à un moment donné, on est dans des noces, c'est-à-dire que le Christ vient chez certaines personnes pour les faire mystérieusement participer à leur souffrance. Ce qui est bizarre dans le christianisme en général et chez Simone Veil en particulier, c'est cette idée qu'on a appelée, c'est un dogme de la communion des saints, mais cette idée que quand on souffre et vraiment on ne produit rien, ça n'est pas efficace et ça ne sert à rien, eh bien en réalité, ça sauve. C'est, si vous voulez, c'est ça se trouve, Simone Veil, elle dirait, elle aimait bien les paradoxes, elle dirait que peut-être actuellement, ce qui sauve notre civilisation, c'est toutes les personnes qui ont entre 90 et 98 ans, qui sont en EHPAD, qui ne servent plus à rien et qui ne sont là que pour souffrir de leurs conditions, ils n'arrivent pas à mourir, etc. Simone Veil est dans ce mystère à un moment donné, qui est le mystère du Christ en croix. Comment se fait-il qu'il a sauvé le monde ? Ni par un traité, ni par un manifeste, ni par une organisation politique. Bon, c'est pas un sauvetage, c'est un salut, et c'est un salut qui passe par le fait de prendre sur soi pour le convertir, même au sens économique du terme, pour convertir le mal en déclaration d'amour. Mais c'est très difficile de savoir, et c'est l'éternel conflit, si tant est que ce soit un conflit, entre la raison et la foi et la croyance. C'est très difficile de comprendre comment cette philosophe que l'on présente comme héritière à la fois de Platon et de Marx, donc qui à la fois croit en l'idée d'un bien, peut-être même d'une justice, et en même temps aux conditions matérielles de l'existence qui rendent compliqué l'avènement même de ce bien, ou même l'accès à ce bien, peut postuler l'existence d'un amour inaltérable que serait celui que Dieu lui porte et qui change complètement la conception de l'existence. Tout à fait. Mais en réalité, Simone Veil, au départ, elle fait comme tout philosophe, c'est-à-dire on va en philosophie pour mettre dans notre vie le plus de cohérence possible. Et à partir de sa rencontre avec le Christ... Le plus de doute, non ? Eh ben, alors le plus de doute, mais à condition souvent, je vois comment on peut enseigner la philosophie à certains élèves, à condition que le doute nous permette de renforcer notre ego. Tiens, on les déstabilise et il y a une puissance qu'on a sur eux. Simone Veil, à un moment donné, elle va chercher dans tout système ce qui en est la faille, dans toute totalité ce qui en est le trou. Elle pense que Pythagore, contrairement à ce qu'on dit, qui s'est suicidé après avoir découvert que racine carrée de 2 était un nombre, enfin après avoir découvert racine carrée de 2, c'est-à-dire un nombre irrationnel, c'est-à-dire que dans la mathématique où la raison joue avec elle-même pour faire un tout le plus cohérent possible, eh bien il y a le nombre irrationnel. Et en fait, elle dit, elle, que pour Pythagore, eh bien ça devait être une bénédiction, c'est-à-dire que dans l'ordre immanent de la raison, il y a toujours quelque chose qui vient blesser cet ordre pour l'ouvrir sur plus que lui-même. Comme si, et elle dit de toute façon, celui qu'il faut adorer, celui qu'il faut aimer est l'absent. En fait, dans notre vie, nous devons chérir ce qui nous manque. Il s'agit pas d'aller à Dieu comme à un objet comme les autres, aller à Dieu comme quelque chose qui nous plaît. Il s'agit, eh bien, de chérir ce qui vient à manquer à notre vie et qui fait que notre vie nous condamne à rencontrer l'impossible satisfaction de nos désirs. Et là, tout à coup, on se met à sortir du désir pour aimer, pour entrer dans l'amour. Alors ça, c'est le jalon que rencontre Simone Veil, mais qui est pas forcément une expérience commune. Chérir ce qui nous manque, c'est aussi ce que font les philosophes de l'absurde, l'absence de sens, l'absence de justice. Il manque quelque chose, il manque un sens à cette existence. Il n'y a pas d'au-delà. Chérissons cette existence ici-bas sans lui donner un sens supérieur. Vous dites, à partir de là, va surgir un sens supérieur, dans certains cas. C'est le cas de Simone Veil, en tout cas. Ah, tout à fait. C'est dans certains cas, on ne peut pas le commander. Il n'y a pas d'automatisme, même si... C'est ce qu'elle appelle la grâce. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'elle appelle la grâce. Et c'est vrai que, à la limite, avec Simone Veil, on peut dire que elle traverse l'absurde. C'est-à-dire que elle parle d'athéisme purificateur. Elle dit que avec la partie de nous qui n'est pas faite pour Dieu, la partie qui veut être rassurée, consolée, confortée, eh bien, cette partie-là ne doit pas aimer Dieu. Sinon, elle va aimer autre chose que Dieu. Ce qui en nous est fait pour accueillir Dieu, c'est cette chose qui, on pourrait dire, est capable d'attendre à vide. L'attente, pour elle, c'est l'attitude clé. Quand on attend, eh bien, on laisse venir à soi. Si je me précipite vers le bus quand je le vois arriver, eh bien, je vais le croiser, je vais le manquer. Attendre, attendere, c'est tendre vers et pourtant en étant condamné à l'immobilité. D'où les salles d'attente, c'est la salle des pas perdus. Eh bien, elle dit, on commence tyran. Le mot de Louis XIV, j'ai failli attendre. Et en fait, on comprend au final que nous défaillons, nous faillons parce que nous ne savons pas attendre. Et au fond, l'absurde est très beau, sauf que peut-être il y a une tentation de l'absurde, c'est de tenir l'absurde pour une vérité définitive. C'est-à-dire que finalement, peut-être que les philosophes de l'absurde, comme les athées en général, ce sont des gens qui prennent l'absurdité ou l'athéisme comme une vérité définitive et qui ont cessé d'attendre. Un monde absurde est un monde qui n'a pas de vérité. Oui. C'est déjà sortir de l'absurde que de tenir l'absurde pour une vérité définitive. Exactement. Mais c'est le risque, c'est-à-dire que, au fond, l'absurde, c'est ce qui, d'après Simone Veil, devrait ouvrir sur la possibilité toujours imminente de la conversion de l'absurde en gratuité. Finalement, la grâce, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'exiger et qui, parce que le sens, on ne l'exige pas, et qui vient à nous à partir du moment où on ne l'exige plus. Et là, c'est vrai que, j'ai envie de dire, il n'y a pas plus proche de Simone Veil que les grands philosophes de l'absurde. Suran ne s'y est pas trompé, c'était un lecteur de Simone Veil. Et il y a ce seuil, et je pense à ce très très beau texte de Suran, où il dit, mais pourquoi donc, alors que nous, les philosophes de l'absurde, on a su que quelque chose a été donné, que quelque chose était profondément précieux. Pourquoi on ne cède pas à la grâce? Pourquoi? Eh bien, peut-être qu'on aurait trop à perdre, à commencer soi-même. Simone Veil en appelle elle-même à une forme de décréation. Il y a eu la création humaine, même la création par Dieu, création divine. Et ce dessaisissement de soi, elle emploie le terme de décréation. Et elle dit, nous pouvons seulement consentir à perdre nos sentiments propres pour laisser passage en notre âme à cet amour, l'amour de Dieu. C'est cela, se nier soi-même. Nous ne sommes créés que pour ce consentement. Donc nous ne sommes créés que pour être décréés. Donc il y a une forme de... Il y a ce que nous subissons, la douleur, là, il y a l'action que nous pouvons choisir de faire, et puis d'un côté la grâce qui vient à nous, puis le consentement qui est peut-être une manière de se rendre disponible à cette grâce, ou de composer avec cette souffrance-là, Martin Stéphane. Oui, c'est-à-dire, alors, la décréation, on peut prendre des exemples très très simples pour la rendre sensible. C'est ce qui nous arrive quand on... Peut-être que c'est le cas de nos auditeurs, quand on écoute. Quand on écoute, dans l'oreille prêtée, même si une oreille plus que prêtée, j'ai envie de dire, elle est prêtée parce que quelque part, il y a une oreille qui, on a deux oreilles, il y en a une qui est complètement donnée à ce qu'on écoute et une qui écoute ce qu'on est en train de comprendre de ce qui se dit. Mais n'empêche que quand on écoute, on ne se récupère pas. On est dans un mouvement où on est suspendu à la lèvre de celui qu'on écoute, et c'est un mouvement vraiment de, c'est un phénomène de décréation. Si quand j'écoute l'ami qui va mal, je me demande quel signe lui envoyer, me gratter le menton pour lui dire que je l'écoute bien, tout le temps que je prends à me dire comment lui montrer que je l'écoute, je sors de l'écoute. Dans l'écoute, mystérieusement, je ne suis plus pour que l'autre soit. L'écoute, c'est cette politesse fondamentale qui est inscrite en nous, d'après Simone Veil, cette partie de l'âme éternelle qui dit « après vous ». Et elle est éternelle pourquoi ? Eh bien parce que Dieu éternellement est un « après vous ». Dans la Trinité, le Père donne tout au Fils. Donc le Fils est le même que le Père, mais il est autre puisqu'il y a eu un don. L'Esprit Saint, c'est cette circulation d'amour, et quand Dieu crée le monde, c'est en disant « après vous ». Et même, et pour Simone Veil, aimer et consentir à la mort, c'est la même chose, parce que c'est reconnaître que nous-mêmes, dans les fibres de notre chair, nous sommes faits pour céder la place à un autre que nous-mêmes. Dans l'écoute, dans la contemplation du beau paysage, dans le soin pris de l'ami. Ou dans l'écoute d'une émission à la radio. Exactement. Jésus-Christ, mon amour, comme les femmes sont belles, dans les rues du faubourg, dans les quartiers résidentiels. Jésus-Christ, mon amour, les caresses du vent, c'est comme un chant d'amour pour les malentendants. Jésus-Christ, mon amour, si tu savais comment soleil, vent, les maisons se dessinent comme font les usines au visage fumant, comme c'est beau la machine. Jésus-Christ, mon amour, c'est Philippe Catherine qui le chante et c'est nous qui l'écoutons avec vous, chers auditeurs. Merci beaucoup, Martin Stéphane, d'être venu nous parler de Simone Veil aujourd'hui. Merci à vous, Adèle. Je renvoie les auditeurs aussi des chemins de la philosophie. On mettra tous vos ouvrages en ligne. Ils sont nombreux. J'en cite deux. Le dernier, L'amour vrai, au seuil de l'autre, aux éditions Salvator. Et puis L'éternité reçue, dans lequel il est question de Simone Veil et notamment de cette question de l'usage, aux éditions des Clés de Brouwer. Jésus-Christ, mon amour, je me sens dans le monde, comme c'est beau tous ces visages sur des corps immobiles, le long des avenues, dans les autos mobiles. Il y a un an, il y a un siècle, dans un siècle. Jésus-Christ, mon amour, comme les femmes seront belles, comme elles laisseront toujours un parfum éternel. Jésus-Christ, mon amour, si tu savais comment vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous nous proposez aujourd'hui une philosophie du végétal. Philosophie du végétal, c'est le titre d'un ouvrage collectif paru aux éditions Vrin, mais c'est aussi tout un mouvement que l'on remarque à travers les diverses publications récentes. Champs, herbes, plantes ou fleurs, le végétal exerce un attrait incontestable sur les penseurs et c'est une nouveauté car ce qui ressort en premier lieu de ces parutions, c'est le constat que jusqu'à maintenant, le traitement de cette question végétale manquait cruellement à la pensée. Pourquoi une telle absence et pourquoi une telle émergence aujourd'hui ? De quoi est faite cette philosophie du végétal ? Quelles interrogations soulève-t-elle et que peut-elle nous apporter ? On fait le point dès maintenant. Que sont devenues les fleurs du temps qui passe ? Que sont devenues les fleurs du temps passé ? Les filles les ont coupées, elles en ont fait des bouquets. Apprendrons-nous un jour, apprendrons-nous Entre philosophie et plantes, les liens ont toujours été étroits. Aristote, considéré comme le père de la biologie, Lamétrie, médecin et philosophe auteur de L'homme-plante, Goethe et sa métamorphose des plantes, ou encore Rousseau, passionné de botanique, les exemples ne manquent pas pour révéler cette proximité de la réflexion avec les végétaux. Pourquoi les plantes semblent-elles alors absentes de la pensée et pourquoi semblent-elles faire un retour ou une apparition fracassante chez elles? C'est que jusqu'ici, le végétal n'était souvent traité que de manière partielle ou très circonscrite, comme un moment de rêverie ou au contraire de pure expérimentation scientifique, ou encore comme une question préliminaire à une analyse animale et anthropologique. Qui pourrait bien ainsi présenter tel philosophe comme le philosophe du végétal? Qui pourrait désigner le penseur par excellence des plantes dans l'histoire des idées? Qui pourrait dire en quoi consiste une philosophie du végétal? Là est le problème, les réflexions sur les plantes ne sont pas absentes, mais il n'y a pas de philosophie du végétal en bonne et due forme, ce qui est en train de changer aujourd'hui. Éloge de la plante, plaidoyer pour l'arbre, à quoi pensent les plantes? Et bien sûr, le brillant Vie des plantes d'Emmanuelle Coccia, ce sont quelques-uns des titres parus et qui permettent de dessiner cette nouvelle philosophie. Mais pourquoi maintenant et que nous dit-elle? Comme toute philosophie, les problématiques posées dans le cadre végétal, des racines jusqu'aux fleurs, embrassent des dimensions multiples. Il faut ainsi distinguer parmi toutes ces réflexions, celles d'abord qui portent sur les plantes en tant que telles, qui soulèvent des problématiques de mort, de vie, de beauté, d'intelligence ou de conscience des végétaux. C'est ainsi le cas du livre d'Emmanuelle Coccia, La vie des plantes. Puis il y a aussi les analyses de l'espace végétal, la forêt, les champs ou les jardins, comme autant de territoires d'exploitation ou d'exploration, des modèles de culture ou de politique. C'est ainsi que peut s'ouvrir l'ouvrage de la philosophe Joëlle Zask, La démocratie au champ. Et puis il y a enfin les pensées qui tissent un lien entre les hommes et la nature à partir du végétal. C'est ce qu'on trouve dans le très beau livre de l'historien Alain Corbin, La fraîcheur de l'herbe. De fait, il faut différencier la pensée du végétal pour lui-même et la pensée du végétal comme modèle pour l'homme. Mais toutes les deux ont le mérite d'inverser le rapport entre l'homme et la nature, non plus l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre, non plus l'homme maître de la nature, mais la nature pour elle-même ou comme biomimétisme, comme source de pensée et de vie pour l'homme. Alors regarde bien, ici c'est ce que l'on appelle les racines d'ancrage. Et cette longue tige souterraine, c'est pas du tout une racine, c'est ce que l'on appelle un rhizome. T'as vu, ça ressemble un peu au chaume, c'est-à-dire qu'ici on trouve des nœuds et là il y a même des petits bourgeons. Et ce rhizome est lui-même alimenté par de longues racines qui peuvent descendre à 5 ou 6 mètres de profondeur. C'est curieux, non ? Ce que le végétal peut nous apporter et ce qu'une telle philosophie peut aussi nous apporter, c'est de quoi penser un autre rapport à la nature. C'est en partie dans cette actualité d'urgence écologique que les plantes font d'ailleurs leur grande apparition dans la pensée. Un autre rapport au travail, au partage, à la culture et à l'habitation des territoires. Un autre rapport au temps aussi, celui de la croissance des plantes et d'une époque, perdue peut-être, où l'on avait le loisir de les regarder et de les respirer. Mais il y a quelque chose encore en plus derrière tout cela, l'idée que les ressources, les idées, solutions ou remèdes ne se trouvent plus seulement en l'homme, mais ailleurs, dans ce qui l'entoure et l'environne. C'est ainsi que Gilles Deleuze et Félix Guattari avaient pris le rhizome comme nouvelle structure de savoir, ou que Descartes avait dessiné un arbre de la connaissance. Et c'est ainsi que les plantes, loin d'être un objet passif d'étude, résistent à nos usages politiques ou éthiques et remettent même en question nos manières de penser. Merci beaucoup Géraldine. Dites-nous le livre dont vous avez parlé. Philosophie du végétal, c'est paru aux éditions Vrin et on y trouve les contributions d'Emmanuelle Coccia, Denis Diagre, Van der Pelen, Jean-Marc Drouin, entre autres, et c'est à lire donc chez Vrin. Merci. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et un grand merci à Marie Simon qui m'a aidé à préparer cette émission avec Colomba Grossi, Isis Jourda, Sharon Horry, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie. C'était Nicolas Berger à la réalisation aujourd'hui, Ludovic Auger à la prise de son. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur la philosophe Simone Veil. Demain, nous serons en compagnie du philosophe François Livonnet pour évoquer les engagements politiques de Simone Veil. D'ici là, pour réécouter cette émission, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pouvez écouter, réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, avec qui vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.